Entre ces lignes, tu sais que toutes mes pensées seront pour toi. Y'a beaucoup de points communs entre toi et moi. C'est nos pulls qui ont coulé de l'an qui nous a fait connaître. Et quand tu faisais des bêtes textes, tu tenais ta promesse. Je t'ai connu en 2007 par touche à oreille et via mon groupe. J'écoutais tes sons et ton flow met à terre tous ces loops. Tu as plus d'un tour dans ton sac, tu possèdes des bagages solides. Dans ta tête, tu n'as pas besoin d'aide car tu cogites. Au départ, c'est sur le titre si j'étais où je t'ai invité. L'instru en route et nos deux voix explosent car la prod on l'a kické. Écorché vif et ton vécu qui transpirait de haine. Tu as morflé dans ton passé, c'est normal que tu lances des pierres. Quand je te parlais, tu avais toujours des soucis. Je te proposais toujours de l'aide en cas de besoin pour que tu oublies. Tu me disais ne t'inquiète pas, c'est cool, te casse pas la tête. J'ai dit ok, pas de soucis, tu sais où me trouver pour tout le reste. Notre vraie rencontre était en mai 2008 devant l'IPN à Aix. La première fois tu t'es pressé, la seconde fois tu t'es à l'aise. On a fait que parler de Zik durant toute la soirée. Le délire qui avait été terrible que nos routes se sont croisées. Pour moi tu m'as grande sœur et c'est toujours amical. Sur les marches d'escalier on comptait nos rimes et verres qui fracassent avec Chris et Zelazer. Et d'autres, on partait dans l'espace. Je m'en rappelle du freestyle en 2008 jusqu'à 6h du mat. Je m'en rappelle toujours du morceau Jalousie qui saignait la prod. Dr House sera notre victime, on met tout le monde d'accord. Je t'ai soutenu et je serai toujours derrière toi. Et je sais qu'au fond de toi tu as de la colère contre moi. Je sais que j'ai eu tort et que j'ai menti pour me protéger. J'aurais dû m'écraser, encaisser les insultes même si j'ai rien fait. J'étais totalement perdu bien avant l'embrouille car je m'enfermais sur moi-même. D'ailleurs tu t'en es aperçu comme un con, j'en ai fait qu'à ma tête. Ça n'allait plus, j'enchaînais les conflits, dialogue de sourds. Il a fallu que je découvre faire pour ouvrir les yeux en plein jour. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tu avais raison. Mais j'avais peur d'être tout seul, d'être laissé pour compte. Mais non, j'avais plus confiance à personne à cette période. C'était la première fois où j'étais plus bas à 25 ans, période morte. Tous mes clashs étaient bidons, pour ma part c'est du zéro pointé. Les retours de toi, Nos et le syndicat m'ont fait planter. C'était pas moi qu'il fallait viser avant tout. J'aurais dû fermer ma gueule au lieu de couler mon sang partout. Mais j'ai refusé des principes par la suite durant mon silence. J'ai refusé sa dictature qui me conduisait à ma perte. Face à ce refus, elle a mis en œuvre pour m'en faire un coup. Derrière mon dos j'entendais rien, au final c'est des coups bas. Papa Cisco a dit ceci cela mais ce n'était pas moi. De juillet à décembre 2010 j'étais mis à l'écart. J'ai appris soi-disant que mon ex et toi vous étiez parlé. Chris m'a appris que c'était du mensonge, j'étais manipulé. Depuis mon retour en janvier 2011 j'étais coupé de la réalité. Il a fallu me remettre en question et être aidé. Il a fallu que je fasse un vide et pleurer pour me faire du mal. Je me suis fait mal car j'ai le mal et ce mal va me donner la force pour remonter la pente. Il a fallu entendre tes paroles très dures pour me réveiller enfin. Toute cette fumée de violence extrême s'est répandue sur mes blocs-notes. Lady P, je reviens par la grande porte. Il a fallu être dur envers moi pour revenir de très loin. C'est le rap qui m'a sauvé en me tendant la main. Merci de m'avoir donné un énorme coup de pied au cul. Déterminé maintenant, je compte aller droit au but. Il a fallu prouver à moi-même que je pouvais m'en sortir. Seul contre tout, c'était le défi pour enfin rebondir. Aujourd'hui, c'est tout l'opposé de ce que tu avais avant. Sauf que mon attitude est très dure maintenant. Ne crois surtout pas à ce qui se raconte sur moi. Me connaissant très bien, tu sais que j'étais toujours là. Pour toi j'étais silencieux, débordant d'imagination. C'est vrai que j'ai toujours le rap dans les oreilles, c'est plus qu'une passion. Je reconnais mes erreurs, qu'aujourd'hui j'en ai honte sur ce que j'ai fait. Morgane, merci avant tout de m'avoir fait exister. La vérité de tes paroles est entendue, désormais je marche droit vers la lumière. En ton honneur tu fais partie des gens qui me tirent vers le haut. Si j'en suis là c'est que j'ai retrouvé le goût de la vie. Tu croyais que je ne reviendrais jamais mais je n'étais jamais parti. Durant mon silence il était trop tôt pour affronter mes ennemis. Un an de calvaire sur papier pour résumer l'échec de ma vie. C'est tout seul que je conduis ma route vers le paradis. Aujourd'hui je me dis que j'ai tué la maladie. La belle époque me manque, aujourd'hui je veux réécrire l'histoire. Tout ce plaisir est retrouvé, je me sens libre comme un tolard. Il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro. Pour moi tu es la meilleure car tu peux viser très haut. Si tu arrêtes le rap, je t'empêcherai de le faire. D'ailleurs je t'interdis de dire ça car tu restes la best. Dans le hip hop, nombreux sont ceux qui foutent le carnage si tu la testes. Elle sort son lady par balle, homicide volontaire et la street tape toujours dans les starting blocks. C'est l'heure de la vendetta en mode Air Force. No way, prends tes clics et claque et barre-toi. Petit bâtard, t'arrives pas à sa cheville, pas si casse-toi. Mister Terre, on the block, elle n'est pas on the floor. Rockstar et son attitude dans la battle on the rock. Je m'excuse et je te demande pardon de ne pas t'avoir écouté au final. Tout ce que j'ai gagné, c'est une vie écourtée. Quelque part, ça m'a permis de me foutre dans la merde et de ne plus revenir en reproduisant les mêmes erreurs. On dit tous que les amis veulent du mal. Au contraire, et je l'ai vu malheureusement, j'ai vu le mal. J'ai appris qu'il fallait exister pour réussir. Un mal pour un bien qui m'a remotivé pour repartir. Le jour où on se reverra, on s'expliquera face à face. Toujours prêt au dialogue, un jour il faudra qu'on fasse face. J'ai des raisons de m'en vouloir comme t'as des raisons de m'en vouloir. Ce mauvais passage me fera sortir du couloir. En ton honneur, tu es la raison qui m'a permis de revenir. En ton honneur, tu es la seule qui m'a tenu tête dans le pire. En ton honneur, c'est toi qui m'as remis en place pour le bien. En ton honneur, tu es la seule qui m'a détourné du mauvais chemin. Morgane, je ne t'en veux pas, c'est avec les coups durs qu'on grandit dans la tête. Tu sais quoi, j'étais naïf, soumis avant, et tu avais raison. Il a fallu me faire violence pour enfin me regarder dans une glace et me dire merde, pourquoi je suis devenu comme ça, ce n'est plus moi. C'est fini tout ça. Être heureux soi-même est le plus beau cadeau. Let it be forever. Merci. Encore merci pour tout. Même si c'est très dur à entendre, je suis revenu de très loin.